Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, l'adaptation réussie d'un très beau roman. Et voici l'histoire d'une rencontre inattendue, celle de Paloma Josse, petite fille de 11 ans, redoutablement intelligente et suicidaire, de Renée Michel, concierge parisienne discrète et solitaire, et de l'énigmatique Monsieur Cazureau Ozu. Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette. Bonjour mademoiselle. Je correspond parfaitement à l'archétype de la concierge d'immeuble. Je m'appelle Paloma, j'ai 11 ans. Depuis très longtemps, je sais que la destination finale... Ah Paloma, mais pourquoi est-ce que tu te caches comme ça? C'est le bocal à poisson. Mais ce qui est certain, c'est que dans le bocal, j'irai pas. Je vous présente Monsieur Kakurochou, notre nouveau propriétaire. Bonjour. Vu qu'on essaie bien la famille Artrans? Oui, une famille heureuse. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Vous aussi, vous pensez qu'elle n'est pas ce qu'on croit? Madame Michel, elle me fait penser à un petit hérisson. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Je suis démasquée. À l'extérieur, elle est bardée de piquants. Tu veux boire un chocolat? Mais moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, elle est aussi raffinée que ces petites bêtes farouchement solitaires et terriblement élégantes. Je crains d'être un peu sauvage. Le Hérisson, un film de Mona Hachache avec Josiane Balasco, un DVD Fox Pathé Europa.